Texte, gros

on chavire. Et parfois on va à l'abordage. Thank you. Thank you. enemy. Free. Yeah. Parce que nous sommes le chaos incarné en évolution. Thank you Darwin, thank you Network. Never, never, never. port de sortie honorable pour tout le monde. Un virage bien négocié. Une transformation. Yes. Ouais, c'est funk au moins, tu me diras, ça prend la patate. Mais on n'était pas prêt, on n'était pas prêt, il faut nous dire avant. Faut avoir du courage. comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il dit ? Non. Ah bah non, ah bah non. Not a very clean. I want to say that was a very crazy. Pas. You have to know that Jan love you. Oh yeah, Joey. Jan Le Rouge is in love. Even when they had shrooms, you know you. Glisser sur les murs et sur terrain aussi va frôler tout un tas de choses pour voir ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait pour frotter, abraser. Position. No wait, no hope. Push! Push the prison's door. No wait, no hope. Ne plus se laisser distraire. Ne plus se laisser faire. Ne plus attendre. Push the prison door, push the prison door, push the prison door. Push. Plant. Touch. Dance. Love. Évidemment. About to. Push the prison's door. Push the prison's door. Push. Again, about to plant again, about to create. Summer 2024. About to love again. About to create situations to make love. Le pire et le meilleur. Faire à faire. Dans cette affaire. Yeah. pas si beau. Behavior, human behavior. Des Glöschkenspiele. Kla, kla, kla, kla. Des Glöschkenspiele.